Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Ah bah oui. Et si je poussais une longue plainte déchirante, pudiquement cachée sous la morsure cinglante de mon humour ravageur? Encore faudrait-il que je croie en un combat. Ah, bien sûr, si j'avais cette hargne mordante des artistes engagés qui osent critiquer Pinochet à moins de 10 000 km de Santiago. Mais je n'ai pas ce courage. Je suis le contraire d'un artiste engagé. Je suis un artiste dégagé. Ben, je peux pas être engagé, à part la droite, il n'y a rien au monde que je méprise autant que la gauche. Puis d'abord, quelle gauche? La gauche gluante d'humanisme sirupeux des eunuques à la rose? Quelle droite? La droite du fumier où la rose est éclose? Non mais quelle gauche? Vous prêteriez votre peigne à Marchais, vous? Notez que Marchais, je ne l'accable pas, c'est un homme qui s'est fait tout seul malgré une inculture, une pauvreté d'esprit qu'on ne rencontre plus guère que chez les animateurs de Radio Libre. Un homme qui a fait une carrière politique remarquable en restant persuadé toute sa vie que Marceau, Berthier et Périphérique étaient des maréchaux d'Empire. Soyons pas anticommunistes primaires, camarades. Chers amis, pardon. D'autant qu'il suffit de lire une seule fois Karl Marx pour devenir aussitôt anticommuniste secondaire. C'est vrai, je sais pas si vous avez lu Le Capital, mais... C'est emmerdant. Oui, écoutez, Le Capital, c'est comme l'annuaire. Hein. On tourne trois pages et on décroche. Hein. Mais comprenons-nous bien, je ne prêterai pas mon peigne à Marchais, mais je donnerai pas non plus mes poux à Le Pen. Il serait capable de les torturer, ce con. Mais cet homme n'est pas humain. Je suis sûr qu'il y a plus d'humanité dans l'œil d'un chien quand il remue la queue que dans la queue de Le Pen quand il remue son œil. En fait, vous lisez Minute. Vous avez tort, c'est intéressant. C'est un journal qui a au moins une qualité, c'est très avantageux. Si. Tenez, au lieu de vous emmerder à lire tout Sartre, hein, vous achetez un exemplaire de Minute, pour moins de 10 balles, vous avez à la fois la nausée et les mains sales. Et les aventures de Pinochet quand il était petit. Pinochet qui est un grand enfant. D'ailleurs, dans Pinochet, il y a Hochet. Ni de gauche, ni de droite. Qu'on soit de gauche ou de droite, on est hémiplégique, disait Raymond Aron, qui était de droite. Je suis un artiste dégagé. Ce qui ne veut pas dire que je ne ressens pas les problèmes de mon époque avec la même acuité de cœur que n'importe quel pourri de gauche ou de droite qui se précipite à la télévision chaque fois qu'un drame social lui permet de montrer son émotion à tous les passants. Dégagé, oui. Indifférent, non. Les injustices sociales me révoltent. Ne changera-ce donc jamais? Du verbe changer que suit un trait d'union précédant le démonstratif se. Ne changera-ce donc jamais? Pourtant, quand on y réfléchit bien, les aspirations des pauvres ne sont pas très éloignées des réalités des riches. Les riches, après tout, ne sont jamais qu'une minorité de pauvres qui ont réussi. Les riches forment une grande famille, un peu fermée, certes, mais pour peu qu'on les y pousse, je suis sûr que les pauvres ne demanderaient pas mieux que d'en faire partie. Bien sûr, il y a une certaine réserve dans le comportement revendicatif des pauvres qui les retient de s'exprimer dans ce sens, mais vous savez, quand ils réclament du bout des lèvres une augmentation de salaire de 10%, qui nous dit qu'en réalité, ils préféreraient pas 20, 30, voire 50%? Et c'est à nous, les nantis. Je parle aux gens des trois premiers rangs. C'est à nous, les nantis, qu'il appartient d'aider nos frères les plus démunis à s'intégrer dans nos rangs. Prenons-y garde, frères riches. La coupe est pleine. La colère gronde au sein des masses. C'est véritablement un scandale. Et probablement une contrepétrie. Il y a des abus qui ne sont plus tolérables. Moi-même, quand j'analyse avec lucidité et honnêteté mon propre cas, croyez-vous qu'il m'arrive de ne pas avoir honte? Quand je pense qu'en une soirée, je gagne l'équivalent de 3 mois de salaire d'un ouvrier, alors que dans le même temps, à 3 pas d'ici, en ce moment même, Guy Bedos gagne l'équivalent de 6 mois de salaire d'un cadre. Hein? Les solutions, elles existent. Il suffit de prendre aux riches pour donner aux pauvres, et vice-versa. En temps de paix, par exemple, les riches auront le droit de prendre la sueur au front des pauvres. Et en temps de guerre, les pauvres auront le droit de prendre la place des riches. Au front également. Il me semble qu'avec mes idées généreuses, je ferai un assez bon président de la République. Hein ? D'ailleurs, j'en ai parlé à la mère de mes enfants. Je lui ai dit, tu ne trouves pas que j'ai l'étoffe d'un chef d'État ? Et puis, j'ai le bras long. Elle m'a dit, bah écoute, si t'as l'étoffe et le bras long, tu coupes les manches, ça te fera un petit boléro.